ami, tu devrais pas me laisser, tu vois. Ça fait un moment que je fais des conneries, des prix qui prennent les micros, tu vois. Je suis passé par Alain Souchon, Yves Duteil et Police, mais je suis revenu à toi, Alain, parce que tu commences à me manquer. J'espère que t'es bien là-haut. Et on va arrêter là. Adieu, Alain. J'espère que t'es bien là-haut. Solo on this song. Sorry for. Est-ce qu'il reste un guitariste? Solo. I want a Brian May. Are you here, Brian May?